France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Devenu depuis sa sortie en 1968 un film culte, comme on dit, Les Idoles, avec Bulogier, Pierre Clémenti, Jean-Pierre Calfon et Valérie Lagrange, Les Idoles donc, est sans aucun doute le geste créateur qui a fait l'essentiel de la notoriété de son réalisateur, Marc O, qui n'aura d'ailleurs jamais couru après la célébrité. Pourtant, le très riche et singulier parcours de cet homme de théâtre, cinéaste, écrivain et sans aucun doute poète, né en 1927 à Clermont-Ferrand, débarqué jeune homme à Paris au lendemain de la guerre, après avoir été un adolescent maquisard, ne saurait être résumé par ce seul film. Saint-Germain-des-Prés, Le Tabou, Boris Vian, André Breton, Les Lettristes, Isidore Isou, dont il produisit Traité de Bave et d'Éternité, Guy Debord, Les Situationnistes, l'école de théâtre de l'American Center, la revue Les Périphériques vous parlent, Édouard Glissant, des pièces, des publications, des films courts ou longs, des vidéos, un parcours fait de rencontres et de désirs, de réflexions théoriques et critiques, à propos duquel Marc O récuse le qualificatif de marginal, considérant qu'il n'aura jamais cessé d'être au centre de tout ce qui s'expérimentait, s'élaborait de nouveau, de tout ce qui était au cœur de son époque. En 2004, dans Surpris par la nuit, en sa compagnie, Xavier Baert reprenait quelques-uns des chemins suivis par Marc O. Une émission diffusée la première fois le 17 juin 2004 sur France Culture, à laquelle participait notamment Bulogier, qui évoquait ses premiers pas de comédienne à l'American Center avec Marc O. Surpris par la nuit. Marco, l'acteur, autrement. En 1968, à Paris, sort dans une unique salle un film qui s'impose rapidement comme un des chefs-d'œuvre du cinéma rebelle, Les Idoles. Réalisé par Marco, écrivait Marc apostrophe O majuscule, le film, qui ressort en salle dans quelques jours, propulse des énergies radicalement nouvelles dans le cinéma français, portées par ses acteurs parmi lesquels Bulogier, Pierre Clémenti et Jean-Pierre Calfon. La critique de la culture qui s'y déploie, portant sur la réification dans la culture de masse, se produit à travers un amour absolu du mouvement, du geste, de la musique et de la danse. Cette invention de l'acteur, qui caractérise le film, circule dans tout le parcours de Marco, qui ne se limite pas aux seules idoles. Metteur en scène, dramaturge, cinéaste, pionnier de la vidéo, éditeur, essayiste, mais aussi infatigable hédoniste, Marco, en plus de 50 ans de création, approfondit le corps à la fois politique, chorégraphique et philosophique de l'acteur. Ne faisant aucune coupure entre l'existence et une création qui en est directement issue, l'œuvre de Marco résonne des grandes rencontres qui émaillent sa vie, d'Isidore Isou à Édouard Glissant, de Guy Debord à Félix Guattari, de Bulogier à Catherine Ringer ou d'Isabelle Stengers à Génération Chaos, pour ne citer qu'eux. Marco met ainsi en relation les pensées les plus exigeantes et les corps les plus radicaux. À l'origine de cette radicalité et de l'intransigeance de ce parcours, toujours en recherche et en expérimentation, la rencontre de Marco avec le lettrisme, mouvement d'avant-garde à l'origine poétique, fondé par Isidore Isou et qui constitue la première constellation de Marco. À l'époque, je m'occupais du Tabou, c'était quelques années avant, c'est vers la fin, et je faisais des spectacles dedans, j'étais avec Alain Vian, qui était le frère de Boris, parce que Boris avait joué la trompette là. Et j'ai rencontré Dufresne, que j'ai connu, et qui faisait des poèmes lettristes et qui m'a présenté Izou, et j'ai organisé là, dans les tabous, un récital de poésie lettriste. Izou était en train d'essayer de faire son film, Traité de bave et d'éternité. Il n'avait pas de producteur, il n'avait rien, c'était... Et donc, j'ai dit, bon, bah, écoute, moi, je vais te faire la production. Et je suis devenu comme ça, c'était un petit peu fou, parce que je connaissais rien au cinéma. Et je me suis auto-déclaré, comme ça, producteur de film. Et on a réussi quand même à faire ce film. C'était un film qui faisait à peu près 2 heures et demie. Et par la suite, ce film, quand il a été fini, on l'a présenté au Festival de Cannes. Je connaissais un petit peu Cocteau, que j'avais rencontré, et bon, comme c'était quelqu'un d'excessivement gentil, il a dit qu'il était président du Festival à Cannes. Il m'a dit, je présenterai ça dans le cadre du festival. Puis je suis donc allé à Cannes. Et il y a eu une série de scandales, parce que évidemment tout ce que faisaient les lettristes était assez scandaleux. Donc là, c'est pas. Et là, j'ai rencontré, vous n'étiez pas encore là, un jeune garçon qui est venu me voir en disant, on va vous aider, je passe mon bac, il était en train de passer son bac, et j'adore la lettrice, je connais. Bon. Il s'appelait Guy Debord. Et donc, il nous a aidés avec ses condisciples-là, des jeunes garçons de l'époque, qui passaient tous leur bac. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. Ensuite, Debord m'a dit, je dis à Debord, mais tu peux rien faire à Cannes, qu'est-ce que tu fous à Cannes, si tu veux faire, parce qu'il voulait faire de la poésie, il faut que tu viennes à Paris. Alors il dit, je passe mon bac et je viens. Alors effectivement, c'était le mois de mai, et il a passé son bac, et j'ai trouvé une chambre à Paris, comme ça, parce qu'on est... On habitait tous à l'hôtel à l'époque. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai vécu à l'hôtel jusqu'à l'âge de 35 ans, 36 ans. Je n'ai jamais... Ils aussi, tout le monde. Donc, il avait trouvé... On a trouvé. Et là, quand il est venu à Paris, j'ai créé, après le film d'Izou, une revue qui s'appelait La Voilà, qui est là, qui est Lyon. Où j'ai publié son premier texte. C'est une revue avec Izou, une partie c'est Izou, et puis des autres lettristes comme Dufresne, Bollmann, Serge Bernat, etc. Et voilà. Et donc c'est là où a débuté une collaboration, où j'ai travaillé bien avec Debord. C'est-à-dire comme ça, on a commencé à mettre au point un certain nombre de choses, un certain nombre d'idées. Ça durait à peu près une année, très très peu. Enfin. Et là, moi, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à tourner. J'étais plus tellement d'accord avec personne d'ailleurs n'était plus d'accord avec Izou. Et enfin, Dufresne, Vollmann. Et j'ai décidé de fonder un journal qui s'appelait Sélèvement de la jeunesse. Et je suis parti. Du groupe d'Izou avec Dufresne. Et à l'époque, il y avait aussi Vollmann, et il y a eu une dispute épouvantable entre Dufresne et Vollmann. Debord est devenu très copain avec Vollmann. Et ils ont décidé, eux, de quitter Izou aussi, de fonder ce qu'on a appelé, si vous connaissez Debord, l'International Lettriste, qui après est devenu l'International Situationniste. Publié en 1952, la revue Yon, dirigée par Marco, comporte des manifestes esthétiques et des textes de films qui en font une des étapes essentielles de l'histoire du lettrisme. Côtoyant par exemple l'esthétique du cinéma d'Isidore Isou, le prodrome du Jugement premier de François Dufresne, l'anticoncept de Gilles J. Volman ou encore les hurlements en faveur de Sade de Guy Debord, le manifeste de Marco, le cinéma nucléaire ou l'école OIN du cinéma, pose déjà le bouleversement du spectateur comme un des objectifs essentiels de toute création. S'appuyant sur ce bouleversement, Guy Debord affirme dans ses prolégomènes à tout cinéma futur, les arts futurs seront des bouleversements de situation ou rien. Le lettrisme réapparaît parfois, sous forme de réminiscences créatrices, dans certaines pièces de Marco, comme dans les monologues composés d'onomatopées de l'énigme de l'oracle en 1993, ou en reprenant la comptine lettriste de François Dufresne dans les Playgirls en 1964. Toujours animé de la radicalité expressive à l'œuvre dans le lettrisme, Marco s'oriente en effet rapidement vers le travail avec les acteurs, qu'il développe notamment au sein de l'atelier qu'il dirige à l'American Center, un des grands pôles des avant-gardes artistiques dans les années 60. Voilà l'American Center. Vous voyez, c'était un endroit, boulevard Raspail, qui était magnifique, où il y avait une bibliothèque extraordinaire, et où il y avait aussi une piscine, une salle de thé, où on mangeait des gâteaux, où on mangeait comme ça, un truc comme ça, qui était donc... Alors moi, je travaillais à l'hôtel, j'avais travaillé à la... Il y avait un théâtre, il y avait... Et là, les Américains, c'était tous des intellectuels américains. C'était l'Artist Center, ça s'appelait l'American Artist Center. Il y a quand même le Living Theater qui est venu là, il y a quand même... Alors c'est devenu après le refuge des déserteurs du Vietnam américain. Surtout que c'était un endroit d'avant-garde, dur. Là, j'ai rencontré, par exemple, Klein. Yves Klein, je l'ai connu là, qui était professeur de judo, là. Il était professeur de judo. Et moi, je faisais la gymnastique aussi, en bas, parce que je préfère être amusé. Et ensuite, on allait faire on allait à la piscine. Et là, il y avait Henry Miller, qui venait avec ses enfants faire baigner ses enfants. On était là. Donc, c'était très drôle. Parce que c'était un endroit absolument assez... C'est vrai. Alors là, j'ai fondé mon école. Alors, j'ai fondé ce qu'on appelait Art Studio, avec mon copain, à l'époque, Charles Estienne, qui était un des plus grands critiques d'art dans Art, le journal Art et Combat. C'était le journal que nous avons. Et c'est là j'ai commencé à dire, on va travailler, on va faire un groupe de recherche avec des acteurs. Et là, j'ai connu Bulogier. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, Gigi Lafolle va faire son entrée. Et voici déjà la précédence au porte-drapeau, qui brandit en garde la folie sur lequel on peut voir la face de la divine dans toute sa divinité. Et voici porté à bout de bras, le grand mât au bord duquel son pendule n'est pas osé, qu'elle a osé porter, et qu'elle distribuera en ses petits morceaux déchirés, à ses pattes déchaînées qui la tiendront. Et voici qu'on amène de la voiture le soir d'hiver, sans lesquelles la privilégie ne serait plus à plus de pied. Je veux dire, enfin, car, les messieurs et messieurs, et je, car, la voici, la voilà. Et maintenant, Gigi va lancer son indicatif porte-bonheur, l'hippocampe. Marco voulait faire créer un nouveau comportement d'acteur, style d'acteur, si vous voulez, pour interpréter ces pièces qu'il écrirait pour les acteurs qu'il formait. Il y avait cette école d'acteurs, il y avait au sous-sol les élèves de Boulez qui répétaient, il y avait les peintres qui avaient des endroits où ils pouvaient peindre, il y avait les sculpteurs qui pouvaient mettre leurs sculptures dans le jardin du centre américain, des sculpteurs comme Tinguely, Armand, des gens qui sont devenus des grands artistes, quoi, qui étaient des grands artistes, mais qui sont devenus des valeurs maintenant. Rauschenberg, les peintres, c'était Yves Klein. Il y avait un fourmillement de gens de très haute qualité. Par ailleurs, il y avait un groupe d'une trentaine d'apprentis acteurs là-dedans, chez Marco. Et il y en a beaucoup qui sont devenus autre chose, qui sont devenus techniciens de cinéma, qui sont devenus directeurs d'émissions de télévision, qui n'étaient pas faits pour être acteurs, en fait. Parce que finalement, quand on fait une classe d'acteurs, il y a tous ceux qui ont rêvé d'être acteurs, puis qui se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça du tout. Et moi, ça s'est passé le contraire, l'opposé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que Marco m'a dit, une fois que j'étais toujours comme spectatrice, « Mais pourquoi tu ne montes pas sur scène et puis tu ne traverses pas avec les autres cette scène ?» où il y a des moments d'improvisation. Bon, j'ai mis très longtemps avant de vouloir monter sur cette scène, et puis une fois, je suis montée dessus, puis voilà, c'est tout. Et puis à partir de là, petit à petit, ça s'est fait que je suis montée sur scène, que j'ai traversé la scène première fois, que deuxième fois, j'y suis restée un petit peu plus longtemps, qu'après finalement, je me suis pris au jeu, que ça m'amusait ça m'intéressait de creuser un peu quelque chose que je pouvais sortir de moi, qui était très, très timide et très introvertie. Et puis ensuite, d'apprendre des textes. Et Marco m'a introduit dans une pièce de fin de cours qui était Le Triomphe de l'amour de Marivaux. Et puis, il se trouve que finalement, j'avais rien donné jusqu'à la veille. Et puis, au moment où il y a eu le public, je me suis dit, il faut quand même faire plaisir à Marco. Faut pas que je reste comme une crêpe, comme ça. Et ça bloque tout le monde, les autres acteurs, etc. Donc je vais tout simplement faire ce qu'il m'a dit de faire. Donc, à la demande générale, voici mon grand succès que vous connaissez tous. Nous. Ma mère aussi. Tu épouseras ce monsieur si il est gentil et puis poli. Mais non, papa, je n'épouserai pas ce vieux salaud. Il est pas beau. Mais l'autre enfant, je n'épouserai pas ce vieux salaud. Il est pas On travaillait beaucoup sur le corps. D'ailleurs, on était obligés d'aller au cours de danse tous les jours. Il y avait d'ailleurs un cours de danse dans ce centre américain qui était fait par une américaine new-yorkaise. Et il travaillait beaucoup sur l'expression du corps par rapport aux mots qu'on allait dire, afin que une fois qu'on avait dit notre phrase en le trouvant à travers notre corps d'une manière juste, ou même en contradiction avec la phrase qu'on allait dire, mais qui était une décision, on trouvait une certaine liberté, parce que on n'était pas planté sur la scène, on était placé. On était placé avec l'intelligence du mot ou alors l'intelligence du geste qui accompagnait le mot. Le travail sur le geste que développe Marco dans ses mises en scène trouve un de ses aboutissements dans Les Idoles, la pièce à partir de laquelle il tourne le film du même nom en 1967. Dans Les Idoles, trois chanteurs yéyés, Bulogier, Pierre Clémenti et Jean-Pierre Calfon, se révoltent contre leurs producteurs et la réification dont ils font l'objet. Héritier fictif de l'acteur anglais qui dévoila le dénouement de la série dans laquelle il jouait, une anecdote appréciée des situationnistes, les trois figures des Idoles déploient un répertoire de gestes, d'intonation et d'expression qui tranche radicalement avec tout naturalisme, faisant ainsi le lien entre les recherches sur l'acteur des années 20, sur scène comme au cinéma, et les corps violemment critiques des années 70, comme par exemple dans le mouvement punk. Le montage de Jean Eustache dans Les Idoles, faisant circuler une même gestuelle dans plusieurs séquences, ou raccordant deux manières opposées de jouer un même texte, accentue la portée formelle de la translation au cinéma des recherches de Marco. Dans Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle, l'essayiste Grail Marcus dégage les liens qui unissent les mouvements d'avant-garde, de contestation politique et le rock'n'roll. Les Idoles sont le bouillonnant précipité de cette histoire. Ben, les idoles sont nées de notre spectacle. Je veux dire, c'est un petit peu l'aboutissement du travail qui avait été fait, qui avait commencé à l'American Center. Les premières pièces que je faisais, c'est l'entreprise. J'avais commencé à faire ça avec les acteurs. Je voulais les faire travailler. Donc, on faisait des improvisations, mais pas dans le sens improvisation comme ça. Mais à partir de conversations, d'exercices, d'un certain nombre d'exercices, j'écris cette pièce qui s'appelait l'entreprise. Ensuite, j'ai commencé à les connaître, j'ai rencontré un des musiciens. Un musicien absolument extraordinaire de musique contemporaine qui s'appelle Keith Humble. Ensuite, on avait fait le printemps. Et avec le printemps, c'est là où j'ai fait jouer pour la première fois Bull et Pierre Clémenti. Ensuite, comme ça, j'ai fait le Pierrot Lunaire. Alors, avec le Pierrot Lunaire, c'était formidable parce que je les ai engagés dans une entreprise qui était de Schoenberg, comme ça, qui est en tout cas assez difficile. Qui était quand même, Pierrot Lunaire, il ne faut pas oublier, c'était une pièce écrite pour cabaret. Et c'est une pièce très, très, assez difficile. Et il y avait là, en musicien, il y avait Portal, qui était la clarine. Donc c'était un truc assez incroyable. Parce que c'était la première fois qu'on mettait en scène, en dehors d'un concert. Normalement, presque tout le monde ne connaît que le Pierrot Lunaire. Je crois que seulement deux ou trois fois, on l'a monté en tant que pièce comme ça, qui était faite pour à la fois chanter, jouer, etc. Et à la suite de tous ces travaux, il y avait un opéra aussi qui s'appelait Le Livre 1, corriger des choses comme ça, du travail que je faisais pour le centre de musique. Nous, on était le centre théâtral de l'American Center, et ils étaient le centre de musique. Après, Girodias nous a découvert, parce que c'était un copain de Marpessa Down. Girodias, c'est quand même un personnage incroyable. C'était Olympic Press, c'est lui qui a sorti Burroughs, qui a sorti Nabokov, qui a fait tout ça. C'était vraiment. Son père était américain, il était poursuivi parce qu'il avait sorti, des pièces, des trucs un peu porno, enfin porno, c'était pas porno, c'était érotique à l'époque. Henry Miller et tout ça, c'était Burroughs était. Et il est venu au théâtre américain, il a vu ça, et il avait un endroit formidable, il y avait du jazz incroyable, qui s'appelait la Grande Séverine, et il a créé exprès pour nous un théâtre, un petit théâtre de 80 places. Quoi. Et c'est là où on a monté les Playgirls, première chose, c'était Planning of the Girls. Et puis, une autre pièce qui était de son frère, qui s'appelait Rican, qui s'appelait l'Anticam. Et c'est là où... et à partir de là, j'ai rencontré Jean-Pierre Calfon, et j'ai écrit une pièce, c'est comme ça que ça s'appelait, Les Bargas. Et là, ça a été vraiment le succès, c'était un très très gros succès, Les Bargas. Et Les Idoles, ça a été ma dernière pièce de tout ça, de tout ce... Et là, il y avait tout le monde, c'est-à-dire Les Idoles, il y avait tous les gens qui avaient travaillé, ils avaient tous travaillé pour, chez moi, Toto Bissent, etc., de tous. Et voilà, alors Les Idoles ont commencé là. Et ça, ça a été... Alors, Les Idoles, on n'avait pas de théâtre, et le patron du Bilboquet, qui était comme ça, avait acheté l'imprimerie, je ne sais pas ce qu'il voulait faire là. Il dit, j'ai cette imprimerie, Marco, on va, je te la donne, je te la fais aménager en théâtre, etc. Et il a fait aménager ça en théâtre. Et ça a été un truc absolument incroyable, un succès, mais énorme, énorme. On ne peut pas imaginer ce que c'est. On avait des pages entières, des trucs comme ça, ça ne s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. Et c'est à ce moment-là, comme ça, que toutes les critiques qui ont suivi, il y en avait tellement eu qu'on reparlait, etc. C'est là où était inventé, à leur propos, l'épithète d'antistar. C'est-à-dire, c'était les antistars. Et voici Charlie le surineur. La charmeuse, Gigi la folle, dans tout Paris raffole. Qui n'ignore rien de vos joies, de vos chagrins, qui vous comprend, qui vous aime, et qui répond toujours aux lettres que vous lui écrivez. Les Idoles, elles ont été écrites en 64. Elles ont été répétées en 65 et elles ont été jouées en 66. C'est vraiment nettement avant 68. Cette démonstration sur ce que c'est que le show business à travers ces idoles. Marco comptait beaucoup sur nos apports personnels. Il comptait beaucoup sur ce qui se passait en interaction entre les acteurs. On peut dire qu'il se passait beaucoup de choses en interaction entre Jean-Pierre Calfon, Clémenti et moi, les trois idoles déjà. Et puis même sur scène, ce que vous n'avez pas vu, avec Michel Moretti et les gens qui étaient sur scène, Philippe Bruno, Joël Barbout, et les musiciens, qui étaient le fils, qui dirigeait la musique, c'était le fils de Jean Villard, Stéphane Villard. Et on improvisait beaucoup de choses. Marc Auré écrivait des choses par rapport à ce qu'on avait proposé, où il intégrait des choses que je racontais. Par exemple, il y a une comptine dans la pièce et dans le film qui s'appelle l'hippocampe qui fait le beau. C'est une comptine que je disais toujours à ma fille, et donc il l'a utilisée. Il nous a mis en position de devenir une idole, mais sans caricaturer, sans faire la caricature d'aucune personne qui était dans les groupes yéyé de l'époque. Enfin, yéyé, oui, ou même rock'n'roll, un peu plus rock'n'roll. Aucune caricature. On s'est approprié vraiment ce que c'était que ces idoles. Mais pour arriver à cette spontanéité, on est passé à travers un énorme travail, parce que ça n'existe pas, la spontanéité. Il y avait aussi des moments où on ne se parlait plus, où il y avait des agressivités terribles qu'on n'arrivait pas à résoudre. Clémenti quittait le plateau, il revenait 8 jours après. On n'arrivait pas à le récupérer parce qu'il était furieux contre Calfon, qui chantait mieux, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Enfin, il y avait aussi une espèce de compétition qui représentait ce qui est dans le spectacle. Tout ça, c'était parce qu'on était une troupe. C'est ça le rêve d'une troupe, d'ailleurs. C'était aussi une communauté d'existence. Oui, aussi, bien sûr. C'était une façon de se comporter aussi, une façon d'être, une façon de... On nous appelait le tiercé du non-conformisme. je crois que Marc Aude, par tout ce qu'il a lui-même vécu avant, les différents mouvements qu'il a traversés lui-même, donc il nous a toujours mis en état de combat. Donc, en état de combat par rapport à nos ambitions, à être tout à fait indifférent à l'argent, à la notoriété. Et ça a été un truc absolument incroyable, un succès, mais énorme, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Je ne sais pas s'il y avait autant de succès qu'il y avait. On avait des pages entières, des trucs comme ça, ça ne s'arrêtait pas, Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir ils me disaient ce que les critiques... Donc la critique, là, je trouve, c'est 20 ans après, Cressol, comme ça, de Libération, a fait un article que j'ai montré, où il parle, dans cet article-là, peut-être que c'est bien de dire, hein, c'est là, où il parle de ce que la critique, ce que disaient des acteurs à l'époque. Et là, imaginez, ça, alors, il y avait... Dans la troupe qui affole Saint-Germain-des-Prés, et là on se nouveau comportement à la ville comme à la scène, Bulogier en florel pop, un os dans une chaussure, comme disait sa mère, Pierre Clémenti, perfecto badgé sur ventre osseux, un pierrot gitan et ambigu, comme écrivait Gilles Sandier, Jean-Pierre Calfon tondu platine, moulé sergent Piper dans un velours de Jean Bouquin, le poiré du moment, plus Valérie Lagrange en tailleur pantalon, lamé argent cousu sur elle, ou encore Michel Moretti, Bernadette Lafont, Elisabeth Vienner et Jacques Higelin, outrageusement sanglés. Dans leur compte rendu, c'est ça, hein, dans leur compte rendu enjoué sur les idoles, les critiques du temps s'étendent sur la minceur des comédiens. Ils ne peuvent pas décrire leur jeu sans parler de leur ligne de hanche acide, inédite, au point qu'un journaliste note que Bulogier est curieusement faite. La nouveauté du spectacle est dans le corps de ses interprètes, sèchement sexuel, aucune rondeur morale. Dans leur attitude, des prototypes et leur physique alternatif, une nouvelle génération vient de s'incarner et de trouver son style, avec les vêtements exigeants assortis à ses idées. On était des dieux, dira plus tard Bulogier. Mais ça, c'est vrai, ça ne donne bien que pour ça. Donc, c'était incroyable. Il y avait des choses partout, partout, partout, au point que tous les gens disaient, Clémenti, c'est le chanteur, Johnny Hallyday, Bull, c'est Sylvie Vartan, enfin, c'était des trucs comme ça qu'on interprétait. Mais c'était vraiment, quand ils arrivaient partout, c'était un phénomène social. Nous avons ici les lauréats du grand concours radiophonique. Les belles familles de France. Qui ont gagné le droit de poser des questions à Gigi, Charlie et Simon. Et sans trop de risque de nous tromper, nous pouvons affirmer qu'ils ont hâte d'interroger leurs chères idoles. Copain Poney, fan des idoles du clan, à vous. Gigi, que penses-tu du mariage ? Mes amis, je vous le dis, le mariage est un beau livre plein de blanches pages. On écrit à deux tout le long de sa vie. Charlie le dit, oui, le dit lui aussi. Je voudrais, oui, je le jure pour Gigi. Ce mariage comble nos voeux, nous allons vivre heureux. Charlie, es-tu un blouson noir? Je suis riche maintenant, mais j'oublie pas le passé. Gigi, quel âge as-tu? Ma vie commence aujourd'hui avec Charlie. Simon, est-ce que Gigi, Charlie et toi vous entendez bien? On est copains, oui. Gigi, aurez-vous des enfants? Oui, un garçon, et puis après une fille, et puis encore un garçon, et puis encore une fille. Charlie, recommandes-tu le Coca-Cola? Le Coca-Cola? Ouais, c'est bon. Charlie, je suis un sportif, que penses-tu du coureur cycliste? Bah, il pédale. Gigi, es-tu heureux? Oh oui, parce que Charlie m'a offert une Alfa Romeo, une rivière de diamants et un bouquet de violettes. Charlie, quand ferez-vous votre service militaire? À jamais! Moi, et c'est bien simple, j'étais toujours ahuri par les commentaires qu'il y avait. Un jour, il y a une femme qui vient me voir, elle dit je vous remercie, et je suis très content de vous avoir connu, d'avoir compris. Enfin, j'ai dit oui, mais c'est très bien. Elle me dit, grâce à vous, j'ai quitté mon mari. Voilà le genre de truc que je comprenais pas bien. Mais j'avais des trucs de ce type-là. Et puis, quant à Jean-Pierre Calfon, c'était un ovni. On parlait de lui comme un ovni. Et quand même, on était 5 ans avant l'arrivée des punks. Et il est arrivé un jour à la coupole, il avait les cheveux verts. Avec un costume aussi vert, plus vert que pomme que tout d'un truc comme ça. Il y avait un grand brouhaha à coupole. Silence de mort qui s'est venu comme ça. Quand il rentrait. Donc, quand 10 ans plus tard, les punks sont arrivés, tout ça, avec leurs crêtes rouges, tout comme ça. Mais lui, il avait déjà. Il y avait 4-5 ans que lui avait déjà fait ça. J'aimais beaucoup ces gens-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que ça représentait pour toi ? Moi, ça représentait quelque chose, des gens qui refusaient le système tel qu'il était là, et puis qui l'ont refusé avec les moyens qu'ils avaient. Parce que ce qu'ils faisaient, par exemple, leur musique, ça ne m'intéressait pas tellement en tant que musique, c'est pas ça qui m'intéressait, c'était leur attitude. C'était le fait même que, tu vois, quand ils faisaient sur la reine d'Angleterre, là, tu vois, le God Save the King, toutes ces provocations qui étaient là, c'était aussi... Ils s'intitulaient, je ne sais pas si vous connaissez comme ça, ils s'étaient parlé parce qu'en France on connaissait mal ça, mais c'était bien, the hero of the working class. Les héros de la classe ouvrière, ils s'appelaient, c'est quand même gonflé, ils s'appelaient comme ça. Jamais, jamais, jamais, mais papa n'aime pas pépé. Mémé. Maman, indigne, indignant habilement, que dans des photographies. La dimension critique dont se charge le corps de l'acteur se rapporte, chez Marco, à son inscription dans le réel et dans l'histoire immédiate. C'est ce que signifient par exemple deux films essentiels, réalisés dans les intervalles de la période italienne de Marco, entre 1969 et 1991, lors de laquelle il se consacre principalement aux nouvelles technologies de l'image. Tout d'abord, Tamaout, co-réalisé en 1976 avec Dominique Isserman, documentaire sur la musique et la danse traditionnelle au Maroc, d'une intensité descriptive qu'on retrouve chez les Straub ou chez Raymond Carrasco, et puis le mythique Flash Rouge, réalisé en 1979 d'après l'opéra rock du même nom, vidéo expérimentale qui fait de Catherine Ringer, dans une performance d'une violence inouïe, une icône de destruction qui ravage la politique européenne des années 70. Lorsqu'il revient en France, au début des années 90, Marco fonde, à l'hôpital de Villevrard et avec Christina Bertelli, le Laboratoire d'études pratiques sur le changement, groupe de recherche multidisciplinaire sur la théâtralité, la musique et la pensée. Au cœur de ce laboratoire naissent la revue « Les périphériques vous parlent » et le groupe musical et théâtral Génération Chaos, animé entre autres par Federica Bertelli et Jovan Gil, creusait des recherches de Marco sur l'acteur depuis plus de 10 ans. Pour moi, un acteur, c'est premièrement l'auteur de ses actes. C'est l'auteur de ses actes. C'est un auteur. Il est auteur de ses actes. Alors pour moi, je n'ai jamais admis l'idée de rôle, que quelqu'un a un rôle à faire. Pour moi, c'était quelqu'un qui arrivait, qui avait un texte, qui avait un truc, soit Shakespeare, soit n'importe quoi, même le Botin. Alors, par exemple, là, ça me fait marrer, je dis le Botin, parce qu'il y avait à l'époque des metteurs en scène qui disaient, que j'entends quand même, qui disaient « Ah, tu vas me faire ça, tu vas me faire ça comme si tu lisais le Botin. » C'est absolument dément de dire une chose pareille à un acteur. Parce que le problème, vous prenez 20 acteurs, il y a 20 les 20 acteurs liront littéralement le Botin. Donc, c'est pas. Vous dire. Donc, déjà, il suppose qu'il y a un ton vrai pour lire le Botin, comme il y a un ton vrai pour, qui serait vrai pour faire Hamlet comme ça. Alors, tout le monde dit. Il y a des déclarations comme ça, incroyables, des acteurs qui disent « je suis le serviteur du texte », etc. Je trouve ça abject, parce que l'être humain n'est le serviteur de rien. Il est un être humain, et par là, il est un auteur, et il a quelque chose, et il doit être parfaitement lui-même. Donc, le rôle du metteur en scène, le rôle du metteur en scène, se borne. Mais quand je dis « se borne », je veux dire que c'est une chose d'une difficulté inouïe, à essayer à ce que l'acteur soit lui-même. Parce que là, quand il a un texte, alors il y a toute une procédure. Il y a une tas de procédures. Et par exemple, pour en revenir au début, pour parler d'une chose un petit peu précise, la différence entre une mise en scène de Brecht et une mise en scène de Villard. J'aime bien ce qu'il a fait par ailleurs, mais par rapport par exemple à Brecht, quand j'ai eu la chance de voir la pièce montée par Jean Villard à Chaillot et la pièce de Bertolt Brecht par Helen Weigel en Allemagne, pour comprendre l'idéologie qui régnait à l'époque en France. Avec Jean Villard et Germaine Montero. Il y a un moment, vous connaissez tous la pièce, il y a un moment de la pièce où la fille de Mère Courage est tuée. Et il y a la guerre qui continue, ils doivent évacuer, et il faut qu'elle laisse son enfant mort, comme ça, là, et elle doit elle va donner un peu d'argent aux paysans pour qu'ils l'enterrent. Alors, la scène qui était dans notre... Ça, c'est Montero, elle arrivait là, et elle jouait, elle partait, elle prenait sa bourse, la bourse arrivait là, dans la scène, puis elle était pathétique, elle était là, elle avait quelque chose de... Bon, et elle a essayé de donner, comme ça, de jouer ça, dans le dramatique, dans le chose, ça, puis elle donne ça. Chez Brecht, d'abord... C'est une femme qui voulait de l'argent, etc. Donc elle était... Ça n'envoyait pas, ça. Alors, quand elle avait sa bourse, qu'elle allait porter sa bourse aux paysans, elle regardait comme ça, elle regardait la bourse qu'elle avait... Et à un moment donné, elle fait le geste pour lui donner, et elle reprend le geste comme ça, elle ouvre sa bourse comme ça, elle prend trois pièces dans un sens, elle referme la bourse, et elle donne comme ça. C'était... Alors, l'émotion, pour moi... Dans le deuxième, était tellement plus. Donc, c'était ce type d'émotion. C'est-à-dire qu'on jouait la situation, l'acteur, il avait à jouer les choses. Alors qu'il ne jouait pas la situation. Là, la situation, cette femme, elle est ceci, elle est cela, etc., etc. Quoi faire dans cette chose? Il faut. Donc, le geste était, là était plus important que tout. La femme, d'un seul coup, n'a pas. Donc, c'est pareil dans un rôle. Si j'avais fait une chose que je. Peut-être que j'aurais pu faire, c'est faire Hamlet avec Pierre Clémenti. Moi, j'aurais demandé Pierre Clémenti tel qu'il était comme ça, à Pierre Clémenti qu'il soit le plus parfaitement Pierre Clémenti. Et j'aurais veillé à ce qu'il soit le plus parfaitement Pierre Clémenti, puis qu'il n'ait pas le fantasme d'un seul coup d'imaginer un Hamlet comme ça, à tête de mort, etc. Non, soit comme ça, qu'est-ce que tu fais, toi, avec des trucs comme ça, etc. Donc, j'ai toujours fait... C'est-à-dire, pour moi, l'acteur, il invente. Il invente, il faut le mettre en situation d'inventer. Et il faut le mettre en situation d'inventer avec tous les autres. Celui des mots. Serait-il donc aussi décisif? Y a-t-il une hygiène de la pensée? Mais ce corps! Mais le corps n'est ni un dehors, ni un dedans. Mais quelque chose qui se meut à l'intersection des deux. Dans une profondeur. Alors là se pose une des plus belles recherches qu'ont fait les Palo Alto, en particulier Hall, c'est sur ce qu'ils appellent le sync. C'est d'ailleurs que ils ont filmé des cours de en particulier des cours de récréation de maternelle et de première année avec les enfants qui jouent. Et ils se sont aperçus que peu à peu, les gens qui bougeaient, les gosses qui bougeaient, qui tournaient comme ça, ça prenait un certain rythme. Il y avait un rythme qui se créait. Ils ont appelé ça un sync, c'est-à-dire il y avait une réaction. Ensuite, ils ont étudié quelqu'un qui fumait, qui m'accompagnait. Et ils se sont aperçus qu'il y avait une synchronisation entre, si là, vous êtes là comme ça, lui qui est comme ça, les manières d'écouter. Tout ça, il y a une vérité générale des gens qui communiquent comme ça, d'une manière non rationnelle, par rapport à des attitudes qui est magnifique et quelque chose. Donc, ça, c'est une chose qu'il fallait retrouver dans le théâtre, c'est tout. Moi, j'ai énormément travaillé, c'est-à-dire que j'ai jamais commencé à travailler. On prenait des phrases, on mettait les phrases comme ça, mais par rapport à qui quelqu'un s'adresser. Si je m'adresse à toi comme ça, ça va à certains moments, mais à certains moments, peut-être que je veux faire passer le message par lui. Donc je me tourne vers lui, qui changeait des trucs. Donc à ce moment-là, l'autre s'éloigne. Donc tout un tas de trucs. Donc je faisais un théâtre qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, où la question du sync était une question plus importante. Parce que je veux vous montrer comment physiquement tout ça, comment c'est théâtral, tout ce que ça concerne. C'est un psychotique comme ça, qui est un enfant qui attend sa mère et qui vient le voir. Et il est assis dans une grande salle, comme ça, c'est un infirmier qui raconte ça. Et il est tout content, et tous les psys lui ont dit, écoute, ta mère, l'avenir, ça, tu vas voir. Et lui, il va voir sa mère, il est complètement... Et il est assis, et c'est une grande salle, la porte s'ouvre, la mère rentre, elle avance comme ça, et lui, quand il voit sa mère comme ça, il fait ça, il se lève, la mère, tac, s'arrête net. Et lui... Quand il voit ça, qu'elle s'arrête comme ça, il s'effondre, puis la mère avance, elle va derrière lui et lui dit, tu viens pas m'embrasser, mon chéri? Ouais. Alors il dit, voilà, c'est ce qu'on appelle une mère schizophrène, ce qui rend les autres schizophrènes. Oui, donc c'est tous ces genres de problèmes où la vérité, elle est partout, elle est dans les contextes. Le texte, on ne va pas l'aborder en soi. Federica Bertelli. Ce qui veut dire que le sens n'est pas dans le texte quand on le lit. On part de l'idée que le sens, il faut le trouver dans l'action, dans la praxis. Et ce qui va donner le sens, en fait, c'est très concrètement la mise en scène spatiale. Donc avant tout, ce qu'on essaie de faire, c'est des placements. Des placements dans l'espace, donc c'est des placements mais très concrets, je veux dire, et liés à une logique. Marco, il a toujours défendu ça, je trouve ça très très bien, l'idée justement que l'acteur, il ne faut pas que l'acteur soit gêné de son corps. Voilà. Donc avant tout, dans cette mise en scène spatiale du texte, donc on apprend des pas, enfin, faut concrètement, comme si on apprenait en fait une chorégraphie dans l'espace. En disant cette phrase, par exemple, on va se déplacer de là à là, etc., etc. Et dans ce premier temps, on va essayer de ne rien donner comme interprétation de ton. C'est-à-dire, on va essayer de donner le texte de manière la plus neutre, en fait. Donc, pour pas déjà donner une interprétation au départ. Et ensuite, il faut l'apprendre. C'est-à-dire, il faut que ça rentre bien dans le corps, comme un danseur qui doit apprendre bien sa chorégraphie. À partir de là, les musiciens, par exemple, en même temps, ils le regardaient. Ils essayent déjà de trouver des correspondances, des analogies entre le déplacement et des climax, comme ça, musicaux. Ensuite, dans un deuxième moment, ce qu'on a fait, c'est que c'est à partir du moment où on a complètement oublié cette mise en place, c'est-à-dire où ça vient comme quelque chose de complètement naturel, qu'on va travailler avec la construction de sens qui émerge avec le mariage de la musique. Parce que ça naît vraiment en même temps. C'est-à-dire que la musique n'est pas faite après ni avant, c'est vraiment en même temps. Il faut savoir que on parle de déséquilibre, mais il faut toujours nuancer le fait qu'il s'agit d'un déséquilibre qui n'est pas un chavirement définitif dans le déséquilibre, sans quoi même toute forme expressive s'anéantirait d'elle-même en quelque sorte. Il s'agit de trouver son équilibre dans le déséquilibre. Donc d'avoir une négociation permanente avec l'instabilité, mais sachant que, à la différence, si on prend la métaphore du surf, le surf nous situe dans une instabilité irréductible à l'homme, c'est celle de la vague. Et en plus, une vague qui peut se révéler mortelle pour lui. Or, dans un cadre en quelque sorte théâtral ou dans un cadre expressif, l'instabilité ne relève pas d'une réalité inéductable, puisque c'est une réalité fabriquée. Par contre, on peut dire que le problème de l'instabilité se pose pour nous dans l'interaction des différents modes d'expression. C'est-à-dire, c'est-à-dire dans une forme d'interaction qui va constituer le fond de notre travail. Par exemple, je prends la réactivité, les questions sur lesquelles Marco a beaucoup travaillé, sachant qu'il a trouvé lui-même les méthodologies de travail en expérimentant, puisqu'on a eu quand même fait 2-3 ans de recherche sur ces questions-là dans le lieu où nous étions, à la Ville Évrard, qui était un très bel espace de recherche, avec aussi l'apport de gens, de philosophes des sciences comme Isabelle Stengers, avec qui nous faisions des séminaires. Et je crois qu'il y a, tout un travail du côté des techniques immatérielles. Parce qu'il est certain que l'écoute est une technique immatérielle. Et Marco a eu à cœur de travailler sur on parle d'interactivité, c'est un mot très séduisant. Mais lorsqu'il s'agit de rendre compatible à la fois dans une même forme, dans une concaténation d'éléments très disparates, à la fois le timbre de la voix qui fait passer le sens, le geste de l'acteur dans une danse avec une sorte de cohérence avec un certain climat musical, tout ça nous amène en quelque sorte à travailler sur des plans expressifs excessivement différents qui vont faire en sorte que c'est pas l'instabilité au sens où on pourrait penser, c'est-à-dire une forme théâtrale ou musicale improvisée, non. À partir du moment où la structure, plus que de l'enfermer dans un cadre prédéfini, va lui permettre de s'ouvrir à des possibles qu'il appartient à lui seul de générer. C'est-à-dire, c'est ce que Marco appelait aussi ce moment overflow. C'est-à-dire, on a un cadre et on déborde. Quand on est arrivé à Ville-Évrard, le directeur a été un petit coup de génie de, je crois, Gilles, Federica, je crois, Jérémy et quelqu'un d'autre, qui étaient allés voir les directeurs de l'hôpital de Ville-Évrard. Ils avaient utilisé un peu un coup de force, parce que ce monsieur très gentil, monsieur Marchandet, auquel on rend toujours hommage, parce qu'il nous donnait un lieu si merveilleux pendant plus de 10 ans, c'est extraordinaire, avait dit, bon, écoutez, pourquoi pas, vous pourriez peut-être répéter dans un pavillon vide, vous venez me voir la semaine prochaine, vous verrez ma secrétaire, vous déposez un projet. Et c'est pas qui d'entre eux avait répondu, ah mais non, hein, il nous le faut tout de suite. Et monsieur était resté tellement consterné qu'il a dit, eh bien, alors vous allez voir ma secrétaire et vous prenez possession du lieu que vous allez choisir demain. Et l'équipe est partie, ils ont choisi, quand on leur a dit, ça c'est les pavillons où il y avait Antonin Artaud, bon, les choix s'est fait tout de suite, et il nous a signé une convention. Dans la convention, il y avait explicitement les faits qu'on ne devait absolument pas interagir avec l'hôpital. On devait faire nos travaux, nos recherches, nos pièces, tout ce qu'on voulait, mais c'était pas question de lien avec les mondes hospitaliers et tout ça. 6 mois après, on invite les directeurs à voir les travaux, là où on en est arrivé de la recherche sur la théâtralité. Il reste une après-midi et il dit, mais pourquoi vous organisez pas des formations pour mon corps soignant? Je dis, mais attendez, vous avez explicitement... Ah non, mais ça que je vois, c'est formidable. Et là, on a commencé à former, à faire des travaux de fond. Et encore là, c'est que 15 jours, que minimum une semaine, 8 heures par jour, avec les infirmiers, les psychomotriciens, les psychiatres, etc. etc. Et c'est grâce à lui que devant... formater, si tu veux, des formations plus courtes, on a bien appris aussi à nous-mêmes à nous donner des contraintes, des objectifs. Et donc, petit à petit, d'autres personnes sont venues des personnes qui avaient d'autres pratiques, des personnes qui avaient d'autres théories. Et il faut aussi savoir une chose importante, très importante, que de 94 à 98, les laboratoires de changement a représenté ses propres pièces en interne tous les samedis dimanches. Et les publics pouvaient venir aux répétitions et les samedis et les dimanches. Et on a commencé répétition ouverte, représentation de la pièce et débat. Donc c'est devenu une espèce de foyer des gens. On a rempli des salles avec des gens bourrés des fois il y avait personne, des fois il était plein, etc. Et on a donc travaillé énormément sur cette relation au public, un public qui participait au processus aussi. Donc les laboratoires étaient vraiment une fucina, si dirait bien italien, là où les fers s'échauffent, là où on travaille dans les fonds des choses. Et après, bon, on en sort un objet de temps en temps. Mais c'est là où la matière vit, la matière se débat, la matière s'est construite, les idées se forgent. C'était très intéressant parce qu'à petit à petit, on a ouvert les laboratoires à d'autres participations. Patients, à des philosophes, à personnes de tous bords qui s'associent à nous. Et on a commencé aussi à travailler à l'Université de Paris 8. Et la présidente de l'époque aurait souhaité qu'on ouvre un laboratoire, un siège de laboratoire d'études pratiques sur les changements à Paris 8. Après, ça s'est jamais fait parce que c'est très complexe dans les cadres universitaires, inscrire des structures qui ne sont pas institutionnalisées, petit problème technique qui se pose toujours. Alors pour moi, l'acte artistique, l'acte de création, un départ, quand on se réunissait, on disait, on se réunissait et on commençait toujours, on ne sait pas ce qu'on cherche. Et puis, on ne sait pas ce qu'on cherche. On commençait, il y avait des trucs comme ça. Et deux ou trois jours, quatre jours après, ou quand ça marchait bien, etc., on trouvait. Et on se disait, ah, ben c'est ça qu'on cherchait. Mais jamais. Ça, pour moi, c'est la situation idéale. C'est la situation comme ça. C'est-à-dire, c'est une situation... Maintenant, pourquoi je travaille plus comme ça? Ben, c'est pour mettre en ordre tout. C'est des recherches qu'on durait plus de 12 ans. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des films qu'on a fait, tout ça. Tu as vu d'ailleurs un résultat. On a fait, lui l'a vu, un film à partir d'un texte, par exemple. Voilà, il y a un texte qui avait paru par deux jeunes philosophes là, qui s'appelait Gilles. Johann Gilles et Federica Bertelli, qui avaient écrit un texte. Moi, ce texte m'avait beaucoup plus. C'est un texte de philosophie. C'était deux philosophes. Ce sont deux philosophes. Mais qui jouaient, qui sont acteurs aussi, tout ça. Et on a essayé de le faire à partir d'une boutade de Nietzsche, de la boutade de Nietzsche, qui disait qu'on ne peut penser que debout. Alors, là-dessus, il se lève et puis... Il part, c'est le corps qui participe tout entier, et les musiciens doivent. C'est un drôle de travail. Alors, on en avait fait des représentations scéniques, qu'on présentait un peu partout, mais on présentait ça surtout dans les écoles, partout, dans les écoles, dans les universités, dans les conservatoires, dans les banlieues, dans les trucs. Et on a fait quand même des choses assez extraordinaires devant le public. Par exemple, on a présenté. Une pièce comme ça, c'est un texte que moi j'avais écrit, qui a été paru sur le citoyen, qui s'appelait Citoyen en France, pour dire que la citoyenneté c'était celui qui était en France, que toute personne qui était en France devait être considérée comme un citoyen, pas citoyen français, qui a des privilèges parce qu'il est français, c'était citoyen en France. Bon. Et ça, on en avait fait un truc musical terrible, d'une violence inouïe. Et quand il y a eu l'histoire de Toulon, où Le Pen avait pris le pouvoir, on avait fait une interview dans un zénith, mais avec qui? Avec Noir Désir. Et là, donc, on ouvrait le truc. Lui, il jouait devant 10 000 personnes, 12 000 personnes. Nous, on se trouvait devant 10 000, 12 000 personnes. Du coup, quand il y a eu la grande manifestation contre Le Pen à Strasbourg, faite par... il y avait à peu près 100 000 personnes qui sont venues toute la France. Eh bien, on a joué devant 30 000 personnes. Donc, on s'est trouvé souvent à jouer devant des foules énormes. Mais jamais dans les théâtres, toujours dans les trucs, dans les choses comme ça. C'est, par exemple, on avait fait sur Attaque, on avait fait le séminaire comme ça de Attaque quand c'était près de Toulon. Et c'était incroyable parce que les gens venaient le soir comme s'ils venaient se reposer. Ils voient le spectacle comme un loisir. Voilà, c'est du loisir. Du loisir intelligent, mais du loisir. Alors que pour nous, c'est un discours. Pour nous, la discussion tournait toujours autour du spectateur. Et toute l'histoire, par exemple, du cinéma nucléaire, c'était aussi c'est concerné le spectateur. C'est-à-dire, pour moi, le spectateur, le problème, le problème était, excusez-moi, c'est là où le balbutiement rentre en jeu. C'est-à-dire, il faut que je, c'est Lacan qui a expliqué parfaitement ce phénomène à travers cette formule là comme ça qu'il avait très bien, qu'il disait, il y a de l'un, il y a pas de deux, il y a du trois, et parce qu'il y a du trois, il y a du deux. Voilà, ça c'était à peu près le chose que on pensait vraiment. Alors, ce qui voulait dire quoi, c'est en référence, c'est dans Encore où il dit Jacobson, c'est en référence à Jacobson qui dans la linguistique, dans son système de linguistique, la communication linguistique, proposait dans son système de communication, il voyait trois facteurs, c'est-à-dire le destinateur qui envoyait un message à un destinataire. Alors l'explication de Lacan, comme ça, la suivante, c'est que il y a de 1, si je suis tout seul là, je suis 1, j'envoie un message, c'est comme ça, qui après, à qui il donnera le message à fonction de poétique, c'est ça qui était incroyable, moment fantastique, et le message n'existe pas s'il n'y a personne. Il n'existe que du fait qu'il y a un troisième. Et c'est la réponse du troisième qui fait que le message existe. Parce qu'un message, donc le 2 n'existe pas. Alors toute l'histoire, mais c'est très important, parce que toute l'histoire maintenant, c'est-à-dire le concept, pour moi, ça, et alors après, il y a quelqu'un qui a théorisé ça d'une manière fantastique, c'est qui ? C'est Glissant, c'est Édouard Glissant, qui ce qu'il appelle le poétique de la relation. C'est-à-dire qu'avant même, quand il écrit, avant même que n'existe un message, il faut qu'il y ait une réponse de celui à qui on s'adresse. Et aujourd'hui, je dis, moi, j'en déduis, donc c'est ce rôle du spectateur. Or, qu'est-ce qui a été complètement refoulé pendant tout le siècle, ça, maltraité, et puis c'est ce troisième spectateur, ce qu'on appelle le destinataire. Dans le gros problème qui se posait par rapport aux avant-gardes, là où nous on intervenait, c'était dans le fait de dire, mais il ne peut pas y avoir de créateur. Parce que Guizou croyait de ferme comme tout, il disait les créateurs, il voyait une case de créateurs qui était très très très puissant, etc. Nous on refusait ça, parce qu'on disait, mais... Et maintenant, je dis, mais écoutez, il faut qu'il y ait un public. Qui, si demain, nos enfants, par exemple, comme aujourd'hui, Shakespeare, qui est le plus grand, considérons-le comme le plus grand auteur dramatique, qui est paru, si nos enfants s'en foutent et ne veulent pas le savoir, n'existe plus. Si demain, les gens cessent de s'intéresser, ça n'existe plus. Donc la création, c'est une relation. On ne peut l'avoir. Ce qu'a théorisé aussi l'anthropologie, les anthropologues de la linguistique. Ça, c'est la chose que, précédant le tout, il y a une communauté. S'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas. Alors, pour moi, pour nous, ce qui était comme ça, et c'est ça qui était incroyable en 1952, dans ce que j'ai théorisé sans savoir, parce que tout ça, tout ce que je vous raconte là, je l'ai appris récemment. Je l'ai appris peu à peu. Lacan, c'est même plus tard que j'ai connu Lacan, et puis tout ça, tout ce que je viens de vous dire, Prigogine, il y a 3 ans, que moi, je suis pas scientifique, donc, que je l'ai connu, parce que j'ai travaillé après avec, on en reparlera avec Isabelle Stenger, c'est tout ça. C'est pour ça et puis avec Deleuze, avec Guattari, que je connaissais bien, etc. C'est des problèmes comme ça qui se sont posés bien plus tard. Mais ce problème fondamental qui a duré toute ma vie, c'est le problème de la réponse du qu'est-ce que c'est que la créativité. Le problème qui se pose maintenant, que je me pose quoi, quelle est la créativité? Pour créer une créativité, il faut d'une part la créativité du destinateur, de l'auteur, de celui qu'on vient, c'est-à-dire de l'acteur-auteur, et il faut aussi l'acteur public. Le public est un acteur essentiel, et qui doit être créatif. Ce qu'il faut étudier, c'est de quel type est la créativité de la chose. C'est ça qu'on n'a pas étudié, c'est ça dont on se fout. Quand j'ai travaillé à l'INA sur la nouvelle image, j'ai travaillé sur le maniériste. Pourquoi? C'est que la peinture maniériste, par exemple avec les Holbein, voilà. C'est Holbein avec les ambassadeurs, dans le tableau des ambassadeurs, qui est à Londres, et on voit comme une espèce de... ça a l'air d'une baguette de pain qui est comme ça. Et pour comprendre ce que c'est l'anamorphose, pour comprendre ce que c'est cette chose, les gens sont obligés de se déplacer. C'est-à-dire, le public, si tu vas à Londres, c'était très drôle, il va en bas, il faut se passer comme ça par rapport au tableau pour voir que ce peintre qui était en vérité une tête de mort. Donc, il demandait déjà, alors là-dessus, qu'est-ce qu'il mettait en cause? Il mettait en cause la place du roi, c'est-à-dire du prince, face au tableau, dans une chaise qu'on mettait, où il n'y a qu'une place, où il n'y a qu'un lettré qui peut comprendre, c'est même ça, la place, donc il n'y a qu'un prince qui peut voir un tableau, il n'y a qu'un lettré qui peut comprendre un truc, il n'y a que ceci, c'est ça, il n'y a qu'une génération, il faut étudier pour comprendre, etc., etc. Et non pas, et non pas le phénomène saisi en tant que relation. Parce que les relations, oui. On est créateur que dans une situation donnée. C'est pour ça qu'il était très préoccupé, de la situation. C'est la situation qui l'intéressait. Et c'est là, dans le cas de la situation, qu'on peut comprendre ce qu'il voulait dire. C'est pour ça que lui, il en est arrivé au point où il excluait tout le monde parce qu'il disait, dans cette situation-là, avec ces cons-là, on ne peut pas. La passe, je peux pas penser, je peux pas. Donc, il se donnait des trucs. Moi, je voyais ça d'une manière un peu différente, parce que je voyais, c'était différent, puisque j'ai été suite du côté du théâtre, que je détestais. Ça, c'est la chose la plus paradoxale qui soit. J'adorais le cinéma, j'aimais beaucoup le cinéma. Et en fin de compte, j'ai pratiquement travaillé que dans le théâtre. Pourquoi? Parce que la seule chose qui m'intéressait, c'était ma relation que j'avais avec les acteurs. Toujours à la recherche de nouveaux dispositifs de performance, de pensée et d'existence, on croise aujourd'hui Marco lors de banquets réalisés avec la constellation des Périphériques vous parlent et de Génération Chaos. Et il s'agit bien de banquets au sens platonicien du terme, enchaînant avec précision pièces de théâtre, cuisine, dégustation de vin, discussions philosophiques. Ces banquets sont aujourd'hui un des laboratoires privilégiés de Marco sur l'expression vivante. Oh ben je pourrais parler d'un banquet qui était assez long, où on était le plus sobre d'ailleurs, enfin pour surtout qu'à nous qui étions sur scène, qui avions la charge de l'organiser. Oui, je parle du banquet notamment du Festival de la Ville à Créteil, là, qui était assez extraordinaire, parce que c'est un banquet qui a duré 7-8 heures, oui, quand même. Donc, un banquet, c'était une pièce à l'époque que nous avons joué en plusieurs parties. C'est une pièce appelée Philosophe debout, et qui, en quelque sorte, les interrogations dont nous avons parlé, un mode de pensée au niveau philosophique, mais en même temps qui inciterait à la danse, qui épouserait le geste musical. C'était un peu cette façon de parler de philosophie debout, puisque à l'époque Nietzsche parle de philosophe cul de plomb. Il pense justement au fait que les philosophes, on les trouve plus qu'à l'université. Il parle des philosophes cul de plomb, quoi, la pensée cise, vraiment. Et là, moi, j'avais parlé de philosophie debout. Donc, on a fait une pièce qui était une pièce sur la philosophie, philosophe debout. Après, arrive là un banquet, c'était donc cette pièce avec des moments excessivement différents, une pièce de toi, Federica, avec Catherine, sur la théorie de la communication de Jacobson. Donc un test quand même de Jacobson mis en scène, c'est quand même marrant, sur les fonctions linguistiques. Une pièce de Moi et toi où on prend un texte de Schopenhauer charcute la philosophie universitaire d'une façon la plus gore, et en plus en y mettant dans le paquet les élèves eux-mêmes. Et donc, moi, le texte dit, avec une fille sur mes genoux, dit sur une musique de Purcell, du roi Arthur, elle, Federica, disant le même texte sur la musique du Requiem de Verdi, et le même texte n'ayant absolument pas le même sens en fonction du contexte dans lequel il est, du contexte musical et du contexte de mise en scène dans lequel... Bon, ça, on en revient finalement à des questions qu'on avait abordées. Bon, des moments comme ça, des moments très, très plus politiques sur l'envahissement de la malbouffe, la perte de la saveur, la fadeur généralisée. Et à chaque fois... le banquet alterne ces moments de scène avec des moments de dégustation de plats, de découverte d'un vin. On présente un vin et on présente le vigneron qui l'a fait. Et à chaque fois, on essaye de créer à partir de ces éléments que nous avons, le vin, la nourriture, ce qui est dit, ce qui est montré sur une scène... Des intervenants, je pense par exemple dans le cadre du festival de la ville de Créteil, c'était, nous avions donc un vigneron, un caviste, un grand caviste parisien, il s'appelle Jean-Pierre Robineau. On avait aussi Jean-Pierre Faye, philosophe Jean-Pierre Faye. On avait Jean-Marie Pradier, l'ethnocénologue. On avait, je sais plus qui. Et donc, à partir de là, on fait une conduite, mais en même temps, il faut quand même laisser les émergences à faire le reste, quoi. Hein. Et bon, bien évidemment, il y a un service, il y a une dégustation, donc il y a un certain ordre à respecter. Et puis, il y a la réaction les débats, soit les interventions directes du public, soit les interventions où les gens qui commencent à cogiter dans leur coin, parce qu'on avait énormément de tables, c'était des tables comme ça. Et donc, on arrive, c'est une sorte d'alternance, de libation, de repas, d'interventions plus magistrales, notamment de la part des intervenants que nous avions. Et puis aussi des gens qui, bizarrement, se retrouvent dans un univers assez surréaliste. Et on connaît bien évidemment le bienfait du vin. Et je crois qu'il y a dans ces banquets une sorte de culmène un peu osmotique entre ivresse et connaissance, avec fatalement une perte de contrôle vers les heures tardives, dans la mesure où quand même, dans les banquets grecs, il ne faut pas oublier qu'on pouvait quand même se cuiter, que c'était même recommandé. C'est une sorte d'intrusion de choses assez étranges, mais encore une fois, de créer un peu, comme dit Chamoiseau, des écarts déterminants, quoi, qui nous permettent à un moment donné, à chacun, de ne pas s'enfermer dans sa spécialité, se barricader dans une expertise ou dans un territoire bien donné, mais de pouvoir justement prendre les risques qui s'imposent dès lors qu'il s'agit de faire la relation, quoi. Et c'est pas donné, je veux dire, on peut se planter aussi, hein, mais ça fait partie aussi d'un travail expérimental, quoi. Et saveur et savoir, la même étymologie, sapere, qui est le même mot. Et moi, je me suis dit comme ça. Ça m'est venu quand je dis, mais s'il y a un savoir, si un savoir existe, c'est parce qu'il a le saveur. Parce que je vois pas pourquoi l'être humain se serait mis d'un seul coup à travailler comme un fou pour savoir si ça n'a. Si. Alors, la saveur, essayer de savoir, et savoir, c'est. Ça doit avoir de la saveur. Si quelqu'un le fait autrement, personne ne le ferait. Et donc, on a essayé de travailler sur ce problème-là. Quand on fait des trucs. C'est qu'est-ce que c'est dans la saveur qui nous amène à vouloir savoir. Alors qu'est-ce que c'est et aussi qu'est-ce que c'est que le savoir de la saveur. Et qu'est-ce que c'est qu'un savoir qui a de la saveur ou un savoir qui n'en a pas. Qu'est-ce que c'est que le gain. Qu'est-ce que c'est que tous ces mots. Donc d'interroger à fond cette question-là, qui est la question qui touche aussi au sport, le plaisir qu'il y a dans le sport. C'est-à-dire le plaisir. Qu'est-ce que c'est que la jouissance? C'est une question qui intéresse aussi beaucoup Lacan, quand il parlait de la jouissance. Et il écrivait comme ça toujours dans ses mots, tout à l'heure, dans ses jeux de mots qui est favori, la jouissance, le sens de jouir. J'ai bien suivi tous les problèmes, surtout sur l'émission Star Academy. Parce que Star Academy, cette année, comme ça, et ça c'est surtout. C'est en liaison au travail. C'était devenu une et c'est l'apologie du travail. Mais alors, le travail, c'est ce qu'on appelle le travail labeur. Ce n'est pas l'apologie du travail, comme l'ont décrit les révolutionnaires, ou comme ont pu le décrire les Marx, ou même d'autres. C'est le travail soumis à la hiérarchie, le travail comme ça, labeur, le travail labeur. Vous devez faire ça, si vous devez faire ça, et qui est récompensé par le meilleur qui travaillera. C'est la hiérarchie. Alors là-dedans, c'est terrible, parce qu'il y a une soumission aveugle des gosses. C'est un jeu, hein. Je veux dire, ça n'a pas de conséquences. Mais aux professeurs, les professeurs sont sacralisés. Moi, je vous dis que c'est une telle connerie. Alors là, c'est ça qu'on devrait attaquer, parce que tous ces gens sont absolument ineptes. C'est pas possible comment ils traitent les gens. On ne peut pas montrer. C'est-à-dire, là, on est en train de dire, vous voyez, dans une hiérarchie comme ça, mais il les traite, c'est-à-dire, un manque de respect vis-à-vis de ces gens-là, qui est incroyable. Et tout ça, c'est un jeu, bon, on s'amuse comme si c'était comme ça. Non, parce que les autres, ils arrivent à comprendre. Alors après, on les voit en train de une fois qu'ils sont vedettes, alors, qu'ils sont stars, tu vois. Or, et en plus, on les détruit. Parce que parmi ces, ça aussi, c'est que qu'est-ce que c'est que ce qui est très très important, c'est quelque chose. C'est pas un reproche que je lui fais parce qu'il a pas fait comme ça. C'est parce que les choses ont évolué et que je reprocherai et que j'essaye maintenant de rétablir. Voilà, c'est quand il a écrit la société du spectacle. Le mot c'était un peu emmerdant parce que les gens n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire par là. Dans la mesure où le spectacle, quand même, étymologiquement, c'est donner à voir. C'est pas donner à voir, c'est pas... C'est bien de donner à voir. Mais lui, qu'est-ce qu'il dénonçait? C'est pas le donner à voir qu'il donnait, parce qu'il donnait à voir quoi? Ça, qui lève le lièvre dans tout ça, c'est l'expression américaine qui s'appelle show business. C'est-à-dire, c'est le show qui fait du business. C'est-à-dire, voilà, c'est le spectacle dont la finalité est le business. Et c'est en plus le business qui fait son show. Voilà, c'est deux trucs. Le show qui fait le business, je pense que... Alors, la finalité, ça, c'est tautologique, comme ça, c'est enfermé. C'est-à-dire, on fait du show pour faire du business, et du business, on en fait un show. Voilà, c'est tout ça. Résultat, comme ça, c'est qu'on n'est plus aujourd'hui, ça a tellement évolué comme ça, ce que je dis, si Debord était là, je pense qu'il en conviendrait, c'est qu'on n'est plus dans la société du spectacle, c'est-à-dire où de chaque événement, on fait un spectacle. Pas du tout. On fabrique des spectacles en disant que c'est ça la réalité. Or, ça devient la seule réalité saisissable par les jeunes, en tout cas comme ça. On veut essayer, en tout cas, est-ce que les gens sont pris au piège, tout ça, moi je sais pas. Mais on veut faire croire aux gens qu'il faut que ce qu'ils voient là, que, comme ça, c'est ça la réalité. C'est ça la star, c'est ça le truc comme ça. Tous les jeunes s'en sont persuadés. Alors ils viennent par milliers faire des trucs comme ça. Voilà la réalité. Alors que c'est pas même comme ça. Au point que maintenant un type comme Sarkozy comme ça, et ben lui, il fait du spectacle. C'est-à-dire il sait que pour que ça soit plus réel, il faut qu'il utilise les procédures spectaculaires. Bon. Pour que ça fasse réalité. Tu vois le renversement, comment les choses comme ça. Et maintenant, je suis arrivé comme ça, et tout ça est tellement mauvais que c'est plus la société du spectacle, c'est la société de la bouffonnade. C'est de la bouffonnerie totale et incompréhensible, etc. Tout le monde est comme ça, que c'est ça, c'est, où tout se réduit. Et ça, cette bouffonnade, etc., les types de banlieue, hein, ils s'y trompent pas. Ils disent, j'ai entendu 100 fois quand j'étais dans les banlieues qu'on a travaillé comme ça. Ouais, les bouffons de la télé. Les bouffons de la télé, ils appellent ça. Pour moi, Marco, c'est quelqu'un qui est toujours dans le futur, qui est toujours dans une lutte qui paraît actuellement, en tout cas, très, très difficile à concevoir, mais qui n'arrête pas de travailler là-dessus. Et d'en faire quelque chose. Moi, quand j'allais dans son atelier qui était à l'hôpital de Ville-Évrard, J'en ressortais, avec son nouveau groupe, extrêmement rechargée, joyeuse. Voilà ce que c'est Marco, c'est quelqu'un qui continue, qui croit que les choses peuvent quand même ne pas complètement pourrir entièrement. Et puis, je dirais surtout que c'est un personnage aussi complètement poétique, mais dans le vrai sens du mot, avec la révolte du poète, la créativité, l'insouciance pour les choses matérielles. C'est un personnage poétique dans le sens politique du poétique. C'était Marco, l'acteur autrement. Une émission de Xavier Baer. Avec Marco, Bulogier, Christina Bertelli, Federica Bertelli et Jovan Gilles. Prise de son Alexandre James et Olivier Berotte. Mixage Jean-Michel Bernot. Réalisation Ghislaine David. Un grand merci à Sébastien Bondieu. Extrait des films Les Idoles, 1967, Les Barbares arrivent avec gourmandise, 2003, et des pièces L'énigme de l'oracle, 1993, et Citoyen en France, 1997. Pour tout renseignement sur les activités et les publications de Marco, des Périphériques vous parlent et de Génération Chaos, vous pouvez les contacter sur leur site périphériques@.org. C'était Marc O, l'acteur autrement, un numéro de Surpris par la nuit, une émission diffusée la première fois le 17 juin 2004 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.